Welcome, bonjour et bienvenue à bord de la croisière folk. C'est un navire musical qui navigue sur les flots du folk, du bluegrass et de l'americana. Même grippé, enrhumé ou la voix un peu cassée, bien sachez que je tiens la barre, quitte à ressembler à un vieux loup de mer enrhumé. Alors, hissez les voiles, montez le son et cap sur une nouvelle aventure musicale. Et on a démarré cette émission avec North Blood, Blanket by the Sea. Alors, il faut savoir que c'est la troisième chanson de ce groupe qui est originaire de Rochdale, en Grande-Bretagne. Le groupe est composé de Darren Gilkinson, Michael Bates et Martin Duffy. Il y a également Darren Lamberton qui est auteur de cette chanson. Et il l'a écrit à propos d'un parent qui essaye de raviver sa relation avec son enfant. Leur page Facebook, c'est North Blood Band. Et on va poursuivre avec Joe Pilon et Page Brune. C'est un artiste folk rock québécois. Il frappe fort hein, avec cette chanson puissante et évocatrice qui transforme le syndrome de la page blanche en une véritable source d'inspiration. Avec des paroles percutantes et une mélodie envoûtante, il capture ce moment de doute que traverse artiste et créateur et le sublime en musique. Porté par une interprétation sincère et une production soignée, Page Brune s'impose comme un titre incontournable pour ceux et celles qui ont un jour cherché en vain les mots sans les trouver. Heureusement que ça ne m'est pas encore arrivé. Et il y aura aussi Mylène Vallée avec Nature Profonde et le groupe néerlandais Interlude, She Flies Away. On a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas à la liker. Et puis, si vous avez envie de m'écrire, eh bien, l'adresse lacroisièrefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Je sais dans la page brune, fait 6 mois que j'écris de la marde. Je vais bien finir par me fracasser la tête dans le mur. Comment ça fait longtemps que j'ai le cul collé dans le divan. Faudrait bien que je me ressaisisse et que j'agisse comme un grand. Faudrait que je me trouve une job le temps de monter sur un stage pour survivre en attendant que la tempête passe. C'est sûr que c'est pas évident de croire en ses rêves quand c'est pas payant. C'est pas non plus dans une shop que je veux faire mon. Tout ce que je veux, c'est jouer de la guette, puis de penser qu'un jour je vais faire un hit. Je me pète la gueule depuis 10 ans, essoufflé par le temps que ça me prendrait pour arriver à en faire mon vrai métier. Même si je sais que la route est longue, parce qu'une passion, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Je lis, c'est endormi quand je prends ma guette d'un hostie trip. Je sais qu'un jour, je vais pouvoir vivre de ma musique. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer de la guette, puis de penser qu'un jour, je vais faire un ruine. Fais de la gueule depuis 10 ans, mais là je pense que c'est le moment que mon temps est arrivé pour en faire mon vrai métier. Pour en faire mon vrai métier. Taper ma traîne dans le sens du vent, les cheveux en bataille et le cœur confiant. Je veux jamais oublier d'où je viens quand ma nature m'appelle. Rien. Je m'étais perdue. perdu, perdu quelque part, dans la tête et le cœur. On avait perdu le nord, on s'est retrouvé dans le silence, dans notre nature. Nature profonde. La croisière folle. Good vibrations. Ooh. I was roaming around far away from town as I lay down in the field. Then I dreamed away on that summer's day. It was in the waving deal. Will she come or go? Now I need her so. Let my call for her be strong. She will take my hand, lead me through the land of the minstrel and his song. But then she flies. She flies away, so high to the sky, where she will stay till the morning brings a brand new day. She'll be coming, she will be back again. Though the feeling is strong, she won't stay for long. Soon she'll spread her mighty wings. And the only trace when she's left the place is a song that's ready to sing. But then she flies, she flies away, so high to the sky, where she will stay till the morning brings a brand new day. She'll be coming, she will be back again. But then she flies away, so high to the sky, where she will stay till the morning brings a brand new day. She'll be coming, she will be back again. À l'instant, le groupe qui nous vient des Pays-Bas, Interlude, avec She Flies Away. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Et dans cette partie de l'émission 1, 2, 3, donc, qui vous permet de découvrir un album, on va découvrir le groupe d'action musicale, le GAM, avec un album sorti en 81 qui s'appelle « La vie est belle, Mart hat so snell ». En fait, ce qui veut dire « mais ça va si vite », c'est un groupe qui est à la croisée du folk et de la chanson à texte. Alors ce groupe est né en 73, en 73, il a accompagné pas mal de luttes sociales en musique. À l'origine composé de musiciens engagés, il s'est formé autour de Michel Gilbert et Jacqueline Rosenfeld, jouant lors de manifestations et de grèves. Le groupe s'est illustré par des reprises de chansons militantes et par des créations de morceaux inspirés de luttes ouvrières et sociales, comme celle des dockers d'Anvers ou des ouvriers de la FN, fabrique nationale située à Herstal. Leur musique, essentiellement folk et acoustique, visait à rester proche du public et facilement jouable en tout lieu. En 1977, ils enregistrent Chansons de lutte en Belgique, un double album qui immortalise plusieurs mouvements sociaux. Le GAM a aussi produit des 45 tours pour soutenir financièrement certaines luttes. Leur engagement ne s'arrêtait pas à la musique. Ils participaient activement aux mobilisations, notamment contre la construction d'une centrale nucléaire à Chaux. Bien que leur activité diminue après les années 80, le groupe continue à jouer ponctuellement et certaines de leurs chansons sont reprises aujourd'hui. Leur démarche militante demeure une mémoire vivante des luttes sociales en Belgique. Et sachez que si vous voulez plus d'infos, eh bien vous allez sur leur site, le groupe GAM, donc GAM.be. Le groupe GAM en un mot.be. Et on écoutera trois morceaux. Allez les gars, chanson d'amour et une balade à chaud. 1, 2, 3, lancez la musique. Pas devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings, le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ceux pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dés, ramasse les sous. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvée pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné. Mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te causer. Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Oh, allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? 1, 2, 3. J'ai un amour qui me traverse, j'ai un amour qui me saisit, j'ai un amour qui me renverse, j'ai un amour qui me ravit, j'ai un amour qui me prend si fort du fond du cœur au feu du corps, j'ai un amour qui me dévore. J'adore, mais v'là-t-il pas qu'autour de moi on commence à parler tout bas. On fait comprendre, laisse entendre que cet amour-là n'est pas pour moi, qu'il est trop ci, qu'il est trop ça, qu'il est pas comme il faut qu'il soit. Cet amour-là n'est pas pour moi, mais ça ne prend pas. J'ai mon amour et j'en décide. Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir? Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant vie pour eux. J'ai mon amour et les gens décident. Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant pis pour eux. On s'est aimé, 2 ans d'ivresse. On s'est aimé, on s'est serré. On s'est donné tant de caresses. Je pourrais jamais les oublier. Puis alors que c'était si fort, puis alors que c'était si bon, on a vu remonter du fond les vieilles chansons. Les je ne peux pas vivre sans toi. Les je ne suis rien hors de tes bras. Les avec qui as-tu parlé? Les avec qui es-tu resté? Fallait se lier, se plier, fallait tout dire, se nier. J'ai senti que j'allais étouffer. Je me suis taillé, j'ai plus d'amour et j'en décide. Crois pas que je te regretterai pas, je suis pas en bois. Mais je peux pas me faire à l'idée que l'amour soit fait pour m'écraser, que l'amour soit fait pour m'isoler, pour m'enfermer. J'ai plus d'amour et j'en décide. Crois pas que je te regretterai pas, j'suis pas en bois. Mais je peux pas me faire à l'idée que l'amour soit fait pour m'écraser, que l'amour soit fait pour m'isoler, pour m'enfermer. Je dors toute seule, tout est tranquille. Je dors toute seule, c'est pas la joie. Je dors toute seule, c'est pas facile. Mais je tiens tête et je me bats. Puis j'en ai eu marre du cafard qui venait m'attendre le soir. Marre de crâner, marre d'en crever. Je me suis relevé, je me suis relevé pour regarder tous les regards des beaux gaillards, les étourdir dans les yeux, laisser venir ouvrir le jeu. Tant de douceur insoupçonnée, tant de tendresse à s'avouer, tant de saveurs à savourer. Je voulais goûter, j'ai mes amours et j'en décide. À moi le désir, à moi de saisir, à moi de séduire. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me manquer. C'est bien trop bon, c'est bien trop gai pour s'en priver. J'ai mes amours et j'en décide. À moi le désir, à moi de saisir, à moi de séduire. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me manquer. C'est bien trop bon, c'est bien trop gai pour s'en priver. Quelques saisons, quelques semaines, je tournoyais de bras en bras. Quelques saisons, je me promène et ça me mène tout près de toi. D'abord on s'y attendait pas et puis voilà que ça dure des mois restés sans se lasser, de s'enlacer. C'est si léger de me réveiller de jour en jour à tes côtés. On le sait bien ce qui me tient, on le sait bien, ne jure rien. On est déjà assez piégé par des images toujours brisées. Alors maintenant je crois ce que je vois. Je crois ce que j'ai mon amour et j'en décide. Bien sûr tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait. Te laisse jamais prendre à l'idée que l'amour soit fait pour t'écraser. Je veux aimer et être aimé en liberté. J'ai mon amour et j'en décide. Bien sûr tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait. Te laisse jamais prendre à l'idée que l'amour soit fait pour t'écraser. Je veux aimer, être aimé en liberté. Souvent, pour dire les choses, mieux vaut les raconter. Rapporter simplement comme elles se sont passées. Comme elles vous sont venues, comment on les a vues, ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu. Un samedi début mars, nous sommes allés à Chaux, c'est juste après Givet en venant de la frontière. où Michel et Janine nous avaient invités à venir chanter contre le nucléaire. La vallée était belle et la Meuse gonflée de toute l'eau de l'hiver débordait dans les prés. Dès qu'on est arrivé chez eux sur la hauteur, ils ont montré au loin le premier réacteur, une centrale périmée déjà après 15 ans, mais qui leur a appris à se méfier du vent. Ils ont montré surtout sur la rive opposée les prairies, les jardins, les bruyères, les vergers, où une nouvelle centrale 17 fois plus puissante doit venir se dresser immense et menaçante. Elle avalera la Meuse, la houille et l'eau noire, répandant alentour un éternel brouillard. Et le fleuve étouffé ira mourir au loin, apportant à ses rives inquiétude et chagrin. La vallée est si belle quand tu vois l'éclaircie, le soleil dans les prés, passer entre deux pluies. Et là, chez nos amis, nous étions bien reçus. Ça faisait bien 4 ans qu'on ne s'était plus vus depuis cette grève d'enrée où on s'était connus. Et ils en revenaient toujours à la centrale. Tu vois, nous, au départ, on voulait qu'elle s'installe plus loin, chez nos voisins, mais pas sur nos terrains. On ne s'en rendait pas compte. On ne savait pas très bien. Et puis, petit à petit, on s'en est inquiété. On s'est réunis, on s'est documentés. On a beaucoup appris, alors tout bascule. Les questions de chacun se nouent et s'articulent. Il y a eu cet accident qu'on nous avait caché. Pourquoi tant de mystères s'il n'y a aucun danger? Où s'en vont les poussières? Où partent les déchets? Pourquoi tant de cancers dans la pointe de JV? Maintenant tu comprends, on n'en veut plus nulle part. Une grue a flambé l'autre soir. Il faut tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. S'il le faut, il y aura du pétard. La vallée est si belle et son large courant régulier, tranquille, rapide et puissant. Nous sommes redescendus dans le village de pierre où l'ardoise mouillée brillait dans la lumière. Dans la salle des fêtes, on nous a présenté à ceux qui étaient là, aux gens du comité. Ils décoraient la salle pour la fête du soir. Première bataille, première victoire, plus de 60% de non au nucléaire dans le référendum de la semaine dernière. Et je ne sais pas pourquoi, ces visages réunis dans cette salle un peu froide en fin d'après-midi, les visages attentifs écoutant la musique, les dessins des enfants amers ou ironiques, c'était tellement plus fort, tellement plus responsable que ce pouvoir dangereux, brutal et misérable qui nous oblige encore à subir sa folie. Ceux qui font les plans ignorent tout ce qu'ils vont briser. Peu leur importe nos efforts, nos plaisirs, nos libertés. La vallée est si belle, les reflets, les fumées, on brûle encore du bois et dans bien des cheminées. Mais nous étions pressés, nous devions repartir, on ne peut pas rester, nous allons revenir, on s'en va, on y va, on repasse la frontière, le soir va arriver, on descend par Astière. Jusqu'à Namur, la Meuse regorge de beauté. Comme déjà Christiane nous l'a si bien chanté. On emporte avec nous les images d'une journée. On passe dans les villages qui ignorent le danger. Tous ceux qu'il faut prévenir, alerter, informer. Il va falloir agir, réunir sans tarder. Tu rêvais d'une vie tranquille, une vie apaisée. Maintenant quelle bataille où tu dois t'élancer. Tu rêvais d'une vie tranquille, une vie apaisée. Maintenant, quelle bataille où tu dois t'élancer. Aujourd'hui dans 1, 2, 3, eh bien, on découvrait le groupe d'Action Musicale avec leur album de 81, La vie est belle, Martre, Adzo, Snell. Mais ça va si vite. Et on a écouté 3 morceaux, Allez les gars, Chanson d'amour et Balade à Chose. Donc Chose, C-H-O-O-Z, hein, qui était la ville où ils voulaient installer une centrale nucléaire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, hein, je vous rappelle le site internet www.legroupegamme.be. Gamme, G-A-M. Un petit poème de Guillaume Apollinaire. Par pardonner mon innocence, un poème qui va être interprété par Laura Dussart. Alors c'est un poème qui évoque avec mélancolie la quête de savoir et les limites de la connaissance humaine. Il reflète une certaine humilité face à l'immensité du monde et de l'expérience, tout en exprimant une forme de regret ou de fatalisme. Ce poème, comme d'autres chats apollinaires, joue sur la musicalité et les images évocatrices. On le trouve dans le recueil « Alcool » de 1913, qui marque une rupture avec la poésie classique en abolissant la ponctuation et en mêlant tradition et modernité. Ce recueil explore différents thèmes comme l'amour, le temps qui passe et la modernité urbaine. Et puis, après notre ami Guillaume, on écoutera Authentica avec le pommier, Alison Krauss et Union Station, Granite Mills, extrait de son futur album, l'album qui sortira le 28 mars, c'est leur 8e album, et c'est le premier album depuis Paper Airplane en 2011. Et puis il y aura Félix Leroux aussi, encore un Québécois, avec Parc Blanchard. C'est le second extrait de son album On sort jazz, qui est attendu pour mai 2025. Alors c'est une chanson touchante qui raconte l'inquiétude d'un ami qui voit son colocataire sombrer dans un cercle d'émotions négatives. La chanson rend hommage à un proche de Félix qui souffrait en silence. Ce dernier s'est tragiquement suicidé, laissant à l'artiste un profond souvenir. Parc Blanchard est ainsi une manière pour Félix Leroux de préserver la mémoire de son ami. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers. Je ne sais plus rien et j'aime uniquement. Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes. Je médite divinement et je souris des êtres que je n'ai pas créés. Mais si le temps venait où l'ombre, enfin solide, se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour, j'admirerais mon ouvrage. Par derrière chez nous, il y a un pommier doux. Les pommes qu'il porte n'ont rien de si doux. Si je n'avais pas d'amour, m'en donneriez-vous? Trois filles d'un prince sont endormies dessous. La plus jeune s'éveille, ma sœur, il fait jour. Si je n'avais pas d'amour, m'en donneriez-vous? Ce n'est pas le jour. Ça dit la troisième, c'est mon amant doux. Si je n'avais pas d'amant, m'en donneriez-vous? Il est en bataille, qu'on lui donne un secours. S'il gagne bataille, il gagnera tout. Si je n'avais pas d'amant, m'en donneriez-vous? Par derrière chez nous, il y a un pommier doux. Les pommes qu'il porte, n'y a rien de si doux. Si je n'avais pas d'amour, en donneriez-vous? Si je n'avais pas d'amant. La croisière folk. What a wonderful in this vain world of trouble, many accidents occur. I'm going to sing about one as sad as you ever heard. It was in Fall River City, they were all burned up and killed, imprisoned in a factory known as the Granite Mills. Now it was my opinion, and it's my opinion still, they might all have been saved had the truth been told from the flames of the burning mill. True one, the girl so young in years. She was standing at the window, and her eyes were bathed in tears. She was standing at the window as she called her mother's name. Oh, mother, mother, save me. And she fell back in the flames. Now it was my opinion, and it's my opinion still, they might all have been saved had the truth been told from the flames of the burning mill. Hard one, as she passed before my eyes, she was leaping out a window, thrown from the roof so high. With a crack she fell down on the ground, she was bruised and burned and killed. 300 people lost their lives in the flames of the burning mill. Now it was my opinion, and it's my opinion still, they might all been saved had the truth been told from the flames of the burning mill. One poor girl tried to escape by sliding down a rope, but when she got but halfway down, the burning strands they broke. I hope her soul has gone to rest in a place that's dearer still, above, above, in heaven above, far away from the burning mill. Mais pas mal plus que je te connais. T'as le moral solide comme le rat, tu performes dans tout ce que tu fais. Mais depuis 2 mois, je te reconnais pas. T'as encore passé ta journée à t'acharner sur un projet, sans arrêter depuis que t'es élevé, ton boss qui est jamais satisfait. T'as même pas pris le temps de manger. Je sais pas si t'as vu la belle journée dehors. Tu la verrais mieux si t'ouvrais l'histoire. Mets tout ça de côté, tu finiras plus tard. On s'en va rejoindre la gang au parc Blanchard. T'as le teint vert et les yeux rouges, t'oses plus trop regarder les lumières. Ça se voit dans la façon que tu bouges, t'es plus l'athlète de l'année dernière. T'as perdu l'équilibre que t'avais trouvé, puis je sais pas si t'as vu la belle journée dehors. Tu la verrais mieux si t'ouvrais l'histoire. Mets tout ça de côté, tu finiras plus tard. On s'en va rejoindre la gang au parc Blanchard. C'est pas de la grande gastronomie, mais je nous ai fait du spaghetti. On s'en fait ça en trois bouchées. J'ai mis nos bessiques dans l'entrée. Il est plus que temps de changer les idées. Il faudrait profiter de la belle journée dehors. Ça chasse la déprime, le beau soleil qui sort. Il y a une coupe de chum qui aurait bien envie de voir. On s'en va rejoindre la gang au parc Blanchard. On s'en va rejoindre la gang au parc Blanchard. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. N'oubliez pas de liker la page Facebook parce qu'il y a pas mal de vidéos et plein d'infos qu'on publie. Des articles aussi sur des albums. Donc la page Facebook s'appelle La Croisière Folk et pour nous joindre, lacroisierefolk@yahoo.com. Dans cette minute astuce, eh bien, je vais vous donner une idée lumineuse. Comment supprimer la marque d'un choc, un coup de marteau par exemple, sur une planche de bois? Eh bien, il suffit d'appliquer un linge mouillé sur l'empreinte laissée, puis de passer un fer à repasser très chaud, réglé au maximum. La vapeur va faire gonfler le bois et résorber l'enfoncement. Allez, tout de suite, voici le groupe de folk rock allemand D'Artagnan avec En Garde, Fairport Convention avec Breakfast in Mayfair, et puis Bob Dylan accompagné de son pote Eric Clapton, Ringo Starr et Neil Young, et la chanson I Shall Be Released. J'espère que tout va bien. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. So, wir brauchen jetzt den Schlachtruf eines jeden echten Musketiers, sonst war En Garde! Wie heißt dieses Lied? Es sind Helden gefallen! Große Leute stimmen! Ganz still und leise erzählt man sich von einem Ungetier. Eine Bestie tief im Gévaudan, voll mordlos, voller Gier. Für Frau und Kind, für Heim und Herd gehen Männer auf die Jagd, erheben sich zur Gegenwehr. Es sind Helden gefahrt, oh Gott, oh Gott. Es sind Helden gefahrt, wo gehen wir auf die Jagd? Oh Gott, oh Gott. Das ist unsere Art, wir sind die Zeiten hart, so hart. wie uns vergiftet Wein und Brot. Henke schmieden und Verrat, der König ist in Not. Es sind Heldengefahr. Tief im Walde wandert sie umher, die junge Bauersmagd, den Rückweg findet sie nie mehr. Es sind Heldengefahr, oh Gott, oh Gott. Es sind Heldengefahr, doch geben wir auf die Jagd. Alle, oh Gott, oh Gott. Das ist unsere Art. Sind die Zeiten hart, so hart, oh Gott, das sind Helden gefragt. Oh. Eure Stimmen, oh. Es ist wieder soweit, selber Ort, selbe Zeit, denn in schwerer Zeiten. It's a kind of magic. The world has surely lost its head. The news is full of crimes. There's robberies in the Telegraph, and there's murders in the Times. And always more obituaries. And even one of these concerns the brutal slaughter of an old Miss Emma Keys. The police have got their man, they're sure he never left the scene. Indeed, he raised the hue and cry, a most unusual thing. An arsonist, a murderer, young but old enough to anything can be replaced. They say ever distance is not near, so I remember everything of every man who put me here. I see my Et voilà, la croisière folk arrive à bon port, même si aujourd'hui j'ai dû me battre contre les vagues et quelques petits microbes rebelles. Alors merci d'avoir embarqué avec moi, malgré ma voix de pirate enrhumée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant être plus en forme, ou du moins avec moins de mouchoirs sur le pont. Je vous rappelle que vous écoutiez la croisière folk et que si vous avez envie peut-être de nous écrire, la croisière folk en un mot, @yahoo.com. Et on se quitte avec Donovan, Catch the Wind. Allez, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Parce que le temps, les secondes, entre toi et moi sont des secondes. Mais pour l'oxygène, qui est une matière moins compressée que ton corps humain, une seconde, c'est 100 secondes. Santé, hein. Je préfère la bière. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abyssus abyssum invocat. Là, les citations latines, ça va aller, là, c'est bon. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I wanna be in the warm hold